Bonjour et bienvenue dans les chemins de la philosophie. Avant de reprendre l'antenne la semaine prochaine, nous vous proposons cette semaine de redécouvrir une série d'émissions consacrées au cinéma avec au programme Hitchcock, Visconti, Jacques Demy et Jean-Pierre Jeunet, c'est-à-dire Alien. Aujourd'hui, Sueur froide d'Alfred Hitchcock. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir sur les chemins de la philosophie Alfred Hitchcock. C'était en 1963, en conversation avec François Truffaut, Hitchcock qui formule une déclaration d'amour à sa façon aux acteurs. Souvent, Monsieur Hitchcock utilise autant les défauts d'un acteur que ses qualités. I hope so. Je l'espère bien. You know why? They don't have many qualities. Ils n'ont pas beaucoup de qualités. Not to me. We'll use 90% of the weaknesses and 10% of the qualities. On se sert de 90% des faiblesses et 10% des qualités. Une course-poursuite sur les toits pour attraper un malfaiteur. Un homme tombe, se rattrape d'une main. Son collègue policier tente de l'aider et tombe dans le vide. C'est la chute, la mort, et c'est le début du film. Le début de Vertigo, Sueur froide, en français, 1958. Bonjour Laurent Van Eynde. Bonjour Adèle Van Reet. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes professeur à l'Université Saint-Louis, Bruxelles. Vous dirigez le Centre Prospero, langage, images et connaissances. Et vous êtes l'auteur de Vertige de l'image, l'esthétique réflexive d'Alfred Hitchcock, paru au PUF en 2011. Vertige de l'image, on entend déjà le titre du film dont vous le parlez. C'est votre film préféré d'Hitchcock? Oui, sans doute. Je pense à certains égards que c'est le plus important, peut-être, même si c'est toujours discutable, d'établir une hiérarchie entre des œuvres et surtout des chefs-d'œuvre d'Hitchcock. Mais je crois que celui-là a une importance particulière, oui. Parce que c'est peut-être le film où il réfléchit le plus sur ce qu'est la création. Je pense que c'est vraiment une méditation en image sur ce qu'est la création cinématographique, avec ses prétentions, avec aussi ses échecs. Donc la réflexivité que pratique Hitchcock dans ce film est aussi une mise en évidence, enfin, est une mise en évidence aussi bien de ses visées de réalisateur et de sa prétention à la maîtrise de l'image, mais aussi la révélation au fond à lui-même que cette image lui échappe également à un moment ou l'autre. Donc le vertige n'est pas simplement celui du personnage principal joué par James Stewart dans ce film, c'est aussi celui d'Hitchcock face à la création. Oui, je pense que c'est tout à fait celui d'Hitchcock. Le vertige, au fond, c'est celui du créateur. Dans les films d'Hitchcock, il y a toujours un moment que très apprécié pour des raisons anecdotiques. On aime bien attendre le moment où Hitchcock va apparaître, le caméo d'Hitchcock. Alors, son apparition dans Vertigo est très frappante. Il apparaît au moment où le personnage principal, Scotty, qui s'est mis en retraite de la police de San Francisco suite à l'accident dont vous avez parlé en commençant. Eh bien, Scotty va à la rencontre d'un de ses anciens amis, Gavin Elster. Il va le retrouver dans ses bureaux. Et au fond, cette rencontre-là, ce sera la rencontre entre deux créateurs. Gavin Elster, qui va manipuler de A à Z le personnage féminin, joué par Kim Novak, qui s'appelle Madeleine, mais qui, dont son vrai prénom est Judy, on le saura ensuite. Donc Gavin Elster qui manipule totalement ce personnage, et puis Scotty qui tentera de faire de même. Or c'est justement au moment où se rencontrent ces deux réalisateurs, au fond ces deux créateurs en tout cas, que Hitchcock apparaît. au fond, les trois créateurs sont réunis. Le créateur... Ils sont des manipulateurs. Oui, tout à fait. Donc, Hitchcock ne manque pas de l'être aussi. Et d'ailleurs, Hitchcock, au fond, réfléchit par là ce que sont aussi les excès de ses propres créations, me semble-t-il. Il le disait dans l'extrait qui ouvre cette émission, oui, hein, voilà. Se moquant ouvertement des acteurs. Il était connu pour les relations quasiment sadiques qu'il entretenait avec eux. C'est vrai que du coup, comme si toute forme de création avait pour corollaire une manipulation. Oui, et je pense qu'il faut entendre cette manipulation. Alors évidemment, on peut avoir adopté un point de vue moral critique sur ce comportement, mais je crois que si on veut la comprendre dans le fond, ce dont il s'agit chez Hitchcock, s'il pratique au fond ce sadisme, ou s'il s'y laisse aller, c'est parce que il y a une volonté de maîtrise totale de l'image. Il y a chez Hitchcock, d'ailleurs Bazin le disait déjà, Deleuze aussi à sa suite, il y a le souci de concevoir le cadre comme, au fond, comme une île. Bazin, Deleuze n'utilise pas le terme d'île, là c'est moi qui l'utilise, mais je pense qu'il est pertinent. C'est-à-dire une image qui, pour ainsi dire, se suffit à elle-même et qui est en même temps une totalité. Donc qui est constituée de l'intérieur pour faire sens par elle-même. Et donc, cela suppose, évidemment, de la part du créateur, une maîtrise totale de l'image. L'image ne dépend de rien de ce qui est extérieur. L'image ne dépend pas, chez Hitchcock, en tout cas, elle ne dépend, par exemple, pas même du scénario ou pas même des dialogues. Il faut pas oublier que Hitchcock est un réalisateur qui s'est formé à l'époque du cinéma muet et qui en est resté profondément marqué, comme d'autres très grands réalisateurs de la même époque. Il peut penser aux États-Unis à John Ford par exemple, qui aussi a fait ses classes dans le cinéma muet. C'était pas vrai de tous. Certains s'étaient formés à d'autres arts. Hitchcock est vraiment formé à l'art cinématographique, à la cinématographique muet. Et il y a rien qu'il ne détestera autant que le théâtre filmé, que les dialogues filmés qui seront le tout venant du cinéma à l'époque du renversement à partir de 27, 28, 29, 30, le passage du cinéma muet au cinéma parlant. Ce qu'il détestait là, mais c'est qu'au fond l'image était illustrative, essentiellement illustrative. Donc pour lui, l'obsession de Hitchcock, si vous voulez, c'est l'image pure au fond. C'est l'image qui fait sens par elle-même. D'où peut-être l'image du générique. Enfin, la dernière, le générique, et on a entendu la musique d'Herman, si identifiable, hein, déjà envoûtante et déjà vertigineuse. Et nous avons, à la dernière image du générique, un gros plan sur un œil dans les teintes rouges avec un filtre rouge. Et de la pupille de cet œil sort le titre Vertigo. Ouais, tout à fait. Je crois que l'enjeu est effectivement dans ce générique, donc un générique réalisé par Saul Bass, qui a fait beaucoup de très grands génériques de l'époque, et aussi réalisé un ou deux films. Tout est effectivement dans le générique, beaucoup en tout cas, au sens où Hitchcock y montre la corrélation entre le vertige et la vision. Le vertige et la vision, c'est-à-dire le vertige, évidemment, c'est un malaise lié à la vision rapportée à la hauteur. Bon. Et au fond... Ce qui se joue dans ce titre de Vertigo qui apparaît, c'est la spirale, parce qu'il faut se souvenir que précédemment dans le générique, dans les tout premiers plans, il y a une spirale qui apparaît, une spirale qui anticipe sur ce que sera l'une des formes les plus prégnantes de tout le film, de tout Vertigo. Cette spirale, mais c'est la perte d'équilibre dans la vision elle-même. Donc, au fond, ce que nous montre par là déjà Hitchcock, ce qu'il nous annonce, puisque c'est encore le générique, ce qu'il nous annonce, c'est que l'effort qui est le sien est de constituer une image, mais qu'il perd pied en même temps. Mais toujours les deux en même temps, c'est ça qui est très important chez Hitchcock, et peut-être parfois difficile, c'est que il faut comprendre qu'il n'est pas uniquement dans un aveu de l'échec de son image. Non, il ne peut, ou en tout cas il ne peut avouer cet échec de cette image autosuffisante que dans la mesure où il va le plus loin possible dans la constitution de cette autosuffisance. Et Vertigo, de ce point de vue-là, c'est peut-être, c'est aussi pour ça que je l'aime tant, c'est sans doute le film le plus maîtrisé de Hitchcock, maîtrisé à l'excès. Il fallait qu'il soit maîtrisé à l'excès pour pouvoir dire aussi bien combien le réalisateur lui-même est pris de vertige. À l'excès, c'est-à-dire pour le meilleur, mais aussi peut-être pour le pire. En tout cas, il peut y avoir un défaut à tant de maîtrise, on y reviendra sans doute. Laurent Van Heyne, je vous propose qu'on écoute un premier extrait ensemble. Nous sommes au début du film, juste après la scène du début où on a vu le personnage, donc Scotty, interprété par James Stewart, manquer de tomber, son collègue qui lui vient en aide et qui lui tombe et se tue pour de bon. La suite de quoi, James Stewart a tellement peur des vertiges, il souffre de ce qu'on appelle l'acrophobie. Et cette première discussion avec son amie, Betty, en français, Midge, en anglais, à quelque chose d'une... Alors, peut-être pas d'une comédie, mais on est bien loin de la tension qu'installait le générique et la première scène, ce contraste est loin d'être anodin. Écoutez. Ouch! Ouch! I thought you said no more aches or pain. Now it's this darn corset. It binds. No three-way stretch? Very unchic. Yeah. You know those police department doctors, no sense of style. Well, anyway, tomorrow will be the day. Why, what's tomorrow? Demain, on enlève ce carcan. Et je vais pouvoir me gratter comme le coma des mortels et jeter cette maudite canne par la fenêtre. Et en avant, les cabrioles. Qu'as-tu l'intention de faire, puisque tu as quitté la police? Quoi? Tu me désapprouves de l'avoir quitté? Oh non, c'est toi que ça regarde. Mais je me souviens d'un jeune et brillant avocat qui ambitionnait d'être à la tête de la police. J'ai dû y renoncer. Pourquoi? À cause de cette peur du vide que j'ai, cette acrophobie. Je me réveille la nuit, je vois ce malheureux tomber du toit pendant que j'essaie de l'atteindre. Était-ce ta faute? Non, bien entendu. Johnny, les médecins t'ont expliqué que tu... Je sais. J'ai de l'acrophobie, ce qui me donne des vertiges chaque fois que je sens le vide. Mais est-il vrai qu'il est rare qu'on en guérisse? Eh bien, j'en ai parlé à mon docteur. Il n'y aurait qu'un choc émotionnel capable de te guérir, d'après lui. Je ne pense pas que tu aies l'intention de replonger dans le toit pour le vérifier. J'espère guérir sans ça. Et comment? Eh bien, j'ai une théorie. Le tout est de m'habituer à l'altitude, seulement par degrés, un peu à la fois. C'est à voir. Commençons avec ceci. Allons-y. Premier étage. Voilà. Et maintenant, l'étage au-dessus. Et voilà. Je regarde au-dessus de moi, et je regarde en bas. Je regarde au-dessus de moi, et je vais me payer une échelle de pompier en sortant de chez toi. Toujours plus haut. Excellent test. Je regarde au-dessus de moi, je regarde en bas, je regarde au-dessus de moi et je regarde en... Le compositeur Bernard Herrmann n'est jamais très loin pour nous rappeler que même lorsque ça paraît plus léger, la tension et le drame pointent son nez juste derrière hein, Laurent Van Eynde. Alors, dans cette scène, c'est comme si on était au centre de la spirale, vous parliez du motif de la spirale, cet événement traumatique qui a eu lieu, dont il est dit que seul un choc émotionnel équivalent pourrait le guérir. C'est-à-dire que le film est présenté comme une tentative de guérison. Ça va être le but du film, quand même. Mmh. Oui, tout à fait. Simplement, la tentative de guérison va creuser le mal, au fond. J'aimais beaucoup ce que vous disiez en commençant. Vous avez insisté sur le fait que cette séquence que l'on vient d'entendre était une séquence de comédie et que ça faisait rupture par rapport à ce qui précède. C'est vrai, c'est ça qui est fascinant. Pour moi, ce sont deux séquences très intéressantes. Parce que la première qu'on a entendue au début de l'émission, la première est pour moi une séquence quasiment abstraite. D'ailleurs, pour nos auditeurs qui éventuellement n'auraient pas l'image en tête, le premier plan de Vertigo, après ce fameux générique, c'est un plan totalement abstrait. C'est-à-dire, on voit simplement un tube. On ne sait pas très bien ce que c'est. Et puis, ce tube se met à trembler. Eh bien, au fond, ce qui est important, c'est que le tube apparaît, ne divise pas l'espace vertical de manière symétrique. Il y a une asymétrie, c'est-à-dire qu'il est à deux tiers du plan, en hauteur, si vous voulez. Et donc, d'emblée, on a l'impression de quelque chose qui met en évidence une verticalité difficile. Il y a moins d'espace en haut qu'en bas, et ça s'explique immédiatement narrativement, puisque ce tube apparaît, en fin de compte, avec le travelling arrière de la caméra, apparaît comme un échelon, tout simplement, d'une échelle de secours. Cette première séquence, elle est ainsi travaillée par une forme qui est celle de la tension entre la verticalité et l'horizontalité. Et puis par une deuxième forme, je reviens à la seconde séquence tout de suite, mais dans cette première séquence, la seconde forme, c'est le pont. Si on observe bien cette séquence, le pont, en l'occurrence le Bay Bridge, là, ailleurs sera le Golden Gate Bridge, mais là c'est le Bay Bridge, apparaît sans cesse à l'arrière-plan et de manière complètement irrationnelle, vu les angles de caméra, bien sûr c'est tourné en studio. Et insistante mais, même. Oui, tout à fait insistante. Quel que soit l'angle de la caméra, on voit toujours le Bay Bridge. Et le pont est effectivement un motif très important, une forme importante, c'est la forme de l'équilibre d'un plan horizontal au-dessus de cette verticalité. Et en fin de compte, la troisième forme qui apparaît, c'est évidemment la forme du vertige lui-même, la spirale, qui a pour effet, au fond, d'effacer tout simplement l'horizontalité. Donc, tension de la verticalité et l'horizontalité, tentative d'équilibre, et on le retrouvera à la fin du film, on la retrouvera à la fin du film, cette tentative d'équilibre sur un pont, mais un pont suspendu, au fond, les ponts à San Francisco, en tout cas Bay Bridge et Gate Bridge, sont des ponts suspendus, et puis, en fin de compte, le risque sans cesse de disparition de l'horizontalité, le précipice, tout simplement, avec cette manière de le filmer, qui est tout à fait géniale, ce zoom avant, travelling arrière, qui donne une impression de malaise, nous donne l'impression d'être à la fois plongé vers le bas et arraché vers le haut. On ne peut pas mieux effacer l'horizontalité. Il y a pas de niveau, il y a pas d'étage. On est d'emblée déchiré entre le haut et le bas. Alors ces trois formes qui sont pour moi les trois formes dominantes de vertigo, eh bien on les retrouve dans la seconde séquence, mais sous la forme d'une comédie, c'est-à-dire que on passe d'une séquence, bien sûr qu'il y a une dimension narrative, mais qui reste essentiellement abstraite, à une séquence au fond beaucoup plus anecdotique. Mais on va retrouver, et Hitchcock s'en amuse très manifestement, on va retrouver ces formes qui dominent tout le film. Le pont, par exemple, il est traité de manière tout à fait comique. Le pont, c'est le soutien-gorge que Midge, qui est une publicitaire, qui fait des dessins de publicité, est occupé à dessiner. Je ne l'invente pas, à un moment donné, Scotty va s'approcher de cet objet, et il lui va demander ce que c'est, et il lui répond, c'est un soutien-gorge, mais qui tient sans bretelles, il est conçu sur le modèle du pont suspendu. Donc Hitchcock, sur le mode anecdotique et comique, verbalise, explicite l'une de ses formes. Le rapport entre la verticalité et l'horizontalité, il est très fortement exploité aussi dans cette séquence. Là aussi, de manière anecdotique ou comique, c'est l'utilisation que Scotty fait de sa canne. Si vous regardez la séquence, cette canne, elle lui sert à tout sauf à s'appuyer. Donc c'est peu de temps après l'accident, il a quitté la police, il est très mal en point, il a un corset, c'est traduit dans la version française par un carcan, mais je pense que c'est plutôt un corset. Et il a cette canne pour montrer que son corps ne fonctionne pas très bien, et c'est vrai que cette canne paraît comme surajoutée au personnage. Tout à fait. Et il en joue d'abord en la mettant parfois de manière horizontale, parfois de manière... En fait, elle prend toutes les positions, cette canne. Et donc, là aussi, de manière relativement comique, il joue cette tension de la verticalité et l'horizontalité. Et bien sûr, la forme du vertige réapparaît. C'est la fin de l'extrait que l'on vient d'entendre, au moment où il essaye de faire des exercices pour voir s'il peut vaincre son acrophobie. Voilà, exactement, sur un escabeau. Il est saisi par le vertige. Et alors, Hitchcock, de manière très intelligente, pour ne pas épuiser sa forme, zoom avant, travelling arrière, ne donne pas ce mouvement à la forme du vertige. Simplement, deux murs qui se rapprochent, qui ont l'air de se rapprocher, donnent cette impression, ça suffit. Et vous voyez, donc ce qui est intéressant, me semble-t-il, il annonce par là comment ces formes vont travailler toute la narration, et à un moment décisif, puisqu'on l'a entendu aussi, ce que dit Scotty lorsqu'il monte sur l'escabeau, c'est « I look up, I look down, I look up, I look down ». C'est-à-dire la maîtrise de l'espace mis en image, tout l'enjeu de Hitchcock. Vous insistez sur la dimension spatiale du vertige, sur la construction par l'horizontalité, la verticalité des images d'Hitchcock, l'apparition du vertige par l'abolition justement de ces repères spatiaux. Tout le film Sueur froide, Vertigo en anglais, est aussi une exploration des méandres temporels et pas uniquement spatiaux. C'est que cet aller-retour, I look up, I look down, on pourrait aussi l'interpréter de manière temporelle, je regarde en avant, je regarde en arrière, parce que c'est de ça qu'il va s'agir. Bien sûr, oui, tout à fait. Et là encore, il choque le monde de manière très explicite. Il y a cette séquence où Scotty entraîne Madeleine, en tout cas celle qu'il croit encore être Madeleine, donc ce personnage féminin manipulé par Elster et qui piège, qui fascine et qui piège Scotty, il l'emmène dans... ils vont se promener, il l'emmène à Muir Woods, donc une forêt de séquoias géants, et ils s'arrêtent un instant tous les deux devant une coupe de séquoias géants où apparaissent des cercles concentriques, et on a daté les différents cercles. Je me souviens bien, on voit la date de l'indépendance des États-Unis, la date de la bataille d'Hastings aussi, parce que c'est un très vieux séquoia géant. Et le personnage de Madeleine, à ce moment-là, indique l'endroit où elle serait née. Alors évidemment qui n'est pas sa date de naissance réelle ni la date de naissance de la vraie Madeleine, c'est la date de naissance d'un personnage qui est censé la hanter. Il y a beaucoup de femmes dans ce personnage alors, féminin. Alors pour bien comprendre ce que tu es en train de dire, et puis on va entendre l'extrait parce qu'on l'a justement, racontez-nous qui est Madeleine quand même. Alors donc... Enfin, qui est Madeleine, vaste question. Comment est-ce qu'on en arrive là? Donc, Madeleine est en fait censée être la femme de Gavin Elster, donc l'ami d'études que retrouve Scotty, et une femme qui semble être instable, est possédé par une référence à une certaine Carlota Valdés, une figure féminine du 19e siècle. Et Gavin Hester demande à Scotty de la suivre pour comprendre ce qui se passe dans la tête de sa femme qui semble passer ses journées en voiture, à aller de ci, de là. Et donc Scotty suit Madeleine jusqu'au moment où elle se jette sous le fameux pont, le Golden Gate Bridge. Cette fois-ci, il va l'emmener chez lui, et bon, très clairement, il tombe totalement amoureux de cette femme. Il essaye de comprendre son histoire, donc ça va me permettre de revenir à votre question dans un instant sur la dimension temporelle. Il veut comprendre son histoire, mais elle lui échappe sans cesse. Le vertige de l'espace est aussi un vertige de la narration. Il lui échappe sans cesse, en tout cas tout particulièrement au moment où il se précipite dans la tour d'un clocher. Il n'arrive pas à la suivre puisqu'il est sujet au vertige, peut-être à mi-hauteur ou même pas, je crois qu'il passe même pas la moitié de la hauteur de l'ascension de cette tour. Il doit renoncer. Et il voit le corps de Madeleine qui tombe du haut du clocher. Alors, évidemment, il se fait que ce n'est pas le corps de Madeleine. C'est pas la fin du film. Je signale à la salle de votre auditeur qui n'aurait pas le film en tête. C'est la fin de la première moitié. C'est pour ça qu'on peut le raconter. Il faut même le savoir. Et on peut même le raconter. On peut d'autant plus le raconter que Hitchcock détestait les fins à surprise. Donc, connaître l'histoire n'est pas un problème chez Hitchcock. Ça n'entame en rien le suspense. C'est vrai. Et donc, Scotty est convaincu d'avoir perdu Madeleine. Mais le corps que l'on a vu tomber est le corps de la véritable femme de Gavin Hester, qui attendait en haut de la tour, qui est morte étranglée par son mari. Et Madeleine, la soi-disant de Madeleine, était au fond une manipulation, un personnage construit de toutes pièces par Gavin Hester, convaincu que Scotty ne pourrait pas suivre jusqu'en haut de la tour le personnage joué par Kim Novak, donc Madeleine, et que donc il ne pourrait que témoigner de son suicide, du saut du haut de la tour, alors que sa femme n'est pas morte de cette manière-là. Et puis toute la fin du film, ce sera Scotty qui va retrouver par hasard le personnage qui jouait Madeleine, mais habillé différemment, maquillé différemment, une autre couleur de cheveux, etc. Il n'est pas sûr de la reconnaître, mais il devine, enfin il ne pense pas que ce soit réellement Madeleine, la Madeleine qu'il a connue, mais il va tenter de reconstituer cette figure féminine, de la manipuler à son tour, pour qu'elle ressemble toujours plus à Madeleine. Alors on va revenir dans la deuxième partie du film après, on a encore beaucoup de choses à dire sur la première. Oui. Avant d'entendre cette scène des séquoias, juste un point quand même, parce que vous parliez de Kim Novak qui apparaît à l'écran. Alors bon, fait partie des blondes hitchcockiennes, le cliché que l'on se fait de l'actrice hitchcockienne. Elle a cette caractéristique pendant toute la première moitié du film, avant qu'elle ne se jette à l'eau et que Scotty la sauve et l'amène chez elle, de n'apparaître que de profil. Oui, c'est une femme qu'on ne voit jamais de face. Alors, en fait, il faut définir. On peut diviser le film de différentes manières, soit en deux parties, c'est-à-dire jusque à la chute de la pseudo Madeleine, et puis la deuxième partie, c'est toute la reconstitution de Madeleine à partir du personnage de Judy. Soit la diviser en trois parties. Et je crois qu'il est plus pertinent souvent de la diviser en trois parties. Il y a toute une première partie qui est le moment de la fascination, le moment où la fascination pour l'image, je dirais très directement pour l'image plastique au fond qu'incarne Kim Novak, lorsque Scotty est attiré par Gavin Hester pour voir pour la première fois sa femme. Il la voit de loin dans un restaurant et il y a un mouvement de caméra absolument génial. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on va avoir un raccord subjectif. Donc on cadre Scotty et puis on s'attend à avoir un plan de Madeleine, et c'est pas ça que Hitchcock filme. Ce que Hitchcock filme, c'est un travelling arrière avec la caméra qui panote en même temps. C'est un travelling par lequel la caméra ostensiblement s'éloigne du point de vue de Scotty et vient saisir de manière autonome, au fond, vient saisir le personnage de Madeleine. Comme une mise en garde, attention, Scotty risque d'être fasciné, et effectivement, il y a quelque chose de fascinant. D'autant que le mouvement de visage de Kim Novak à ce moment-là est particulier. Elle regarde d'un côté, puis elle se retourne, on voit son autre profil. Elle a cette robe verte qui se détache sur un fond rouge, l'endroit où il est un fond rouge. Il y a vraiment, pour le coup, c'est plus qu'une mise en scène, c'est presque un spectacle de danse auquel on assiste. Tout à fait. Donc, en fait, dans toute cette première partie, et à de nombreuses reprises, on a l'impression qu'on va voir Madeleine de face, et c'est jamais le cas. ça s'efface littéralement et on ne la voit plus que de profil. Et il y a un plan de ce point de vue-là, toujours dans cette première partie, qui me semble très explicite, c'est au cours de la filature. Donc Scotty est fasciné, et d'ailleurs, si vous regardez bien dans la filature, donc il la suit en voiture pendant le long voilà, et il ne cesse de descendre. C'est étonnant, San Francisco, ça monte aussi, en tout cas si on prend dans l'autre sens. Et donc non, on ne fait que descendre, on est happé petit à petit avec Scotty. Et à un moment donné, elle rentre de manière tout à fait étonnante chez un fleuriste, d'une manière étonnante parce qu'elle rentre par l'arrière. On ne comprend pas très bien pourquoi. La vraisemblance narrative est souvent pas l'enjeu de Hitchcock, il préfère se préoccuper de forme. Scotty la suit et il va se trouver dans une situation où il entr'ouvre la porte qui donne dans le magasin même du fleuriste et il voit Madeleine qui choisit un bouquet et elle s'approche de lui et de nouveau, donc elle est encore floue, elle vient de l'arrière du champ, et au moment où elle est proche et l'image devient nette, elle se met de profil. Et puis Hitchcock fait un autre plan, le plan pris à partir de l'intérieur de chez le fleuriste. Et c'est un split screen absolument génial, donc une division de l'écran absolument géniale, puisqu'on va avoir dans le même plan Scotty qui regarde, on le voit son visage par l'encoignure de la porte, par la porte entrouverte, et sur la porte, il se fait qu'il y a un miroir qui permet de voir le profil de Madeleine. C'est-à-dire qu'on a en un plan ce qu'est, pour une part, c'est le part de la première partie, l'expérience cinématographique. Un spectateur plongé dans l'obscurité et qui regarde complètement fasciné un personnage qui se donne purement et simplement comme image. Et si je dis qu'elle se donne purement et simplement comme image, c'est parce que étant de profil, au fond, elle ne regarde jamais vers nous, on ne voit pas ce qu'elle regarde. C'est-à-dire que dès lors, le personnage de Madeleine, au fond, n'est pas vraiment un sujet. Mmh. Il est simplement exposé au regard de l'autre comme une pure image. Ça, c'est la première partie. Mais ce qui est très troublant, ouais, c'est qu'à partir du moment où on la voit de face, une fois qu'elle est sauvée des eaux par Scotty, ramenée chez lui, et qu'elle se réveille et qu'on voit pour la première fois son visage de face, tout ce qui suit, le moment où elle lui parle comme à quelqu'un, procure une expérience déceptive pour le spectateur. On se dit, ah, ça n'est que ça. Elle apparaît dans une forme de médiocrité qu'on n'est pas du tout prêt à accepter en ce qui la concerne, puisqu'elle a été dépeinte comme une déesse. Oui. Alors, oui, ça peut être déceptif. Enfin, si déceptif, c'est Kim Novak, donc elle est sublime, forcément. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que la fascination suscitée par ces mises de profil n'est pas à la hauteur de la médiocrité des dialogues qui s'engagent, puisque ça devient réel. Tout à fait. Si ce n'est que ces dialogues, en même temps, vont ménager d'autant plus le mystère. Et c'est pour ça que cette deuxième partie, au fond, je dirais, elle est le second pan de l'œuvre cinématographique. La première partie travaille purement et simplement l'image comme spectacle, l'image cinématographique comme spectacle. La seconde partie, c'est l'image cinématographique comme narration. Parce que ce qui est en jeu à ce moment-là, c'est l'histoire de Madeleine. Ce que va essayer, c'est à ce moment-là que Scotty essaye vraiment de comprendre son histoire. Il est plus simplement dans la fascination, il l'est toujours, mais il n'est plus simplement dans la fascination, il essaye de comprendre l'histoire, et ce qui est fascinant, même dans ces moments-là, alors même qu'il peut avoir des dialogues, un dialogue assez banal au fond, c'est que cette histoire lui échappe, et qu'elle devient aussi mystérieuse et vertigineuse que l'est l'image elle-même. Fasciné par l'image, happé par l'image, il l'est aussi par la narration. Et c'est pour ça qu'après cette fameuse séquence des séquoias géants, cette vision de la coupe du séquoia, Scotty dit à un moment donné à Madeleine, mais je veux comprendre, il me faudrait l'origine. L'origine, c'est-à-dire le cœur de la spirale, le fond. Eh bien, ça lui échappe, comme dans le vertige, l'équilibre nous échappe. Thousand years or more. The oldest living things. Yes. You've never been here before? No. What do you think? All the people who've been born and have died where the trees were not living? Their true name is Sequoia sempervirens. Always green, ever living. I don't like them. Why? Knowing I have to die. Je suis née quelque part par ici. Et je suis morte là. Pour lui, ça n'a été qu'une ère. Pour moi, une vie. Madeleine. Madeleine. Madeleine, où êtes-vous en ce moment? Avec vous. Où? Les grands arbres. Étiez-vous déjà venu? Oui. Quand? Madeleine, quand êtes-vous née? Il y a longtemps. Oui. Quand? Dites-le-moi. Madeleine, dites-le-moi. Non. Madeleine, dites-moi ce qu'il y a. Où allez-vous? Non, non, je ne Quelle peux... Quelle force vous entraîne? À l'heure de vous jeter dans la baie, vous ne saviez pas où vous étiez, vous cherchiez, mais je vous Je ne me suis pas jetée, je suis tombée, c'est Pourquoi vous qui m'avez dit. Ça Pourquoi? Dites-le-moi. Je ne peux le dire. Pourquoi vous êtes-vous jetée, Madeleine? Quelle force intérieure vous y a soudain poussé? Laquelle? Laquelle? Je vous en supplie, ne me questionnez pas. Oh, pardon, je vous en prie. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons d'Hitchcock cette semaine et aujourd'hui de Sueur froide, Vertigo, en version originale 1958, en compagnie du professeur de philosophie Laurent Van Eynde, qui enseigne à Bruxelles et qui nous fait part de ses interprétations de ce film, alors qu'il y a tellement de niveaux différents d'interprétation. Et cette scène-là en particulier, on peut avoir une approche plus psychanalytique avec le motif de la spirale, du vertige qui renvoie à celui du chignon, qui renvoie à celui de l'œil, dans lequel on se perd à l'infini. Vous avez aussi évoqué l'importance du motif de la création, de Hitchcock lui-même qui crée un film, et les personnages qui créent d'autres personnages au sein du film. Et là, le personnage de Madeleine n'est pas celle que l'on croit. À ce moment-là, le spectateur ne sait pas vraiment qui elle est. Juste un point avant qu'on reprenne le fil de ces interprétations. On l'entend dans cette scène, même si ça a été doublé, le doublage rend justice à l'intensité de ce moment. C'est cette intensité, cette sensualité qui est très présente entre les deux personnages. La tension est telle, c'est pas simplement la tension de peur ou de surprise, c'est qu'il y a quelque chose de très physique qui se passe entre ces deux acteurs, entre ces personnages, comme souvent chez Hitchcock d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et effectivement, vous avez raison, comme très souvent chez Hitchcock, deux choses à dire à ce propos, me semble-t-il. D'une part, c'est ce qui fait que Vertigo, ça marche toujours. Même quand on le revoit pour la 10e ou la 15e fois, vous avez beau savoir que la première Madeleine n'est qu'une image, au fond, et qu'une copie d'une personne décédée, qu'elle est un piège, vous avez beaucoup de plaisir à vous laisser piéger à nouveau. Ça marche totalement parce que Hitchcock travaille très bien dans ce qui est un moment de tromperie, un long moment de tromperie, travaille très bien ce qu'est la relation d'un couple, tout simplement. Et donc, seconde chose, vous avez tout à fait raison, c'est un des motifs essentiels de Hitchcock tout au long de sa carrière. Là où ça culminera sans doute, c'est dans Fenêtre sur cour, où là encore avec le même James Stewart. Et au fond, ce qu'observe James Stewart, c'est différentes modalités du couple heureux jusqu'à la célibataire endurcie, etc. Mais qui espère néanmoins, enfin bon, pas partir sur Fenêtre sur cour. Mais oui, c'est sans cesse un souci de Hitchcock que de réfléchir la relation de couple et de donner à voir. D'ailleurs, très souvent, il le dit, je pense que c'est dans les échanges avec Truffaut, il dit très bien, ce qu'il aime faire, c'est filmer les scènes d'amour comme des scènes de meurtre et les scènes de meurtre comme des scènes d'amour. Et effectivement, il y a un plan comme ça très célèbre dans L'Inconnu du Nord Express où on assiste à un assassinat, mais on assiste à cet assassinat dans le reflet d'un verre de lunettes qui sont tombées. Et le voyant avec l'effet déformant de ce verre, eh bien, cet acte pourrait être un acte amoureux en même temps. Et donc, il y a une question constante chez Hitchcock sur le rapport entre les êtres et qui passe par une interrogation sur le couple. Et effectivement, c'est cela aussi dans Vertigo, tout du long, que Madeleine soit un personnage authentique ou une simple copie ne change rien à l'affaire, en fin de compte. Et cette scène des séquoias, pour le coup, illustre parfaitement à l'image ces différents niveaux d'interprétation, oui. Puisque le plan du séquoia montre que celui-ci est constitué de différentes couches d'écorce qu'il a inscrive dans la nature. Ce que le chignon inscrivait dans les cheveux de Madeleine et ce que l'œil nous donnait à voir. Tout à fait. Une espèce de renvoi. Et à nouveau, c'est très explicite. Alors ici, dans les dialogues, quand on l'a entendu dans la partie doublée en français, lorsque Scotty interroge Madeleine, il lui demande où elle est. Et puis quand elle était là, et en fait, on se rend compte, c'est peut-être un petit peu plus juste enfin, forcément plus juste dans l'anglais, mais je crois qu'il y a l'un ou l'autre terme qui a disparu. Mais il y a une manière d'embrouiller totalement les déterminations spatiales et temporelles dans cet extrait. Et cela pour les raisons que je vous disais, le vertige Il est spatial, mais il est aussi narratif. C'est aussi la perte de l'origine qui devrait peut-être permettre de comprendre l'histoire d'un personnage. Évidemment, c'est un leurre que de penser pouvoir toucher une telle origine, tout particulièrement dans ce cas-ci, puisque il est manipulé et il le comprendra donc dans la troisième partie du film. Il faut dire, parce que nous ne l'avons pas encore dit, Laurent Van Eynde, que ce film est une adaptation d'un roman qui préexistait. Oui, tout à fait. C'est une adaptation d'un roman d'Entre les morts de Boileau-Narcejacques, donc auteur de romans policiers, et qui manifestement l'avait écrit en le destinant, en quelque sorte, à Hitchcock. Il espérait une adaptation. Évidemment, l'adaptation de Hitchcock était souvent des grands succès, donc ils y avaient tout intérêt. Mais il faut savoir que ce roman d'Entre les morts de Boileau-Narcejacques semble d'ailleurs s'inspirer lui-même d'une œuvre plus ancienne. Je le précise, je ne m'étais pas aperçu de cela lorsque j'ai écrit mon livre sur Hitchcock et je dois à l'une de mes étudiantes, on est souvent sauvé par ses étudiants, d'avoir attiré mon attention sur ce point. Ce livre, c'est Bruges la morte de George Rodenbach, donc un auteur symboliste, et c'est un roman de 1892 où s'exerce la même fascination pour la reconnaissance, on file vers la troisième partie déjà, mais la reconnaissance d'une morte dans le visage d'une vivante, si vous voulez. Manifestement, Boileau et Narcejacques se sont inspirés de Rodenbach, mais il n'est pas impossible que Hitchcock ait eu connaissance du texte lui-même, peut-être aussi par l'adaptation sous forme d'opéra par Korngold dans les années 20 de Bruges la morte de Rodenbach. Eh bien oui, cette fois il l'avait bien reconnu, et à toute évidence. Ce teint de pastel, ces yeux de prunelle dilatés et sombres dans la nacre, c'étaient les mêmes. Et tandis qu'il marchait derrière elle, ses cheveux, qui apparaissaient dans la nuque, sous la capote noire et la voilette, étaient bien d'un or semblable, couleur d'ambre et de cocon, d'un jaune fluide et textuel. Le même désaccord entre les yeux nocturnes et le midi flambant de la chevelure. Est-ce que sa raison périclitait à présent ? Ou bien sa rétine, à force de sauver la morte, identifiait les passants avec elle. Tandis qu'il cherchait son visage, voici que cette femme, brusquement surgie, le lui avait offert, trop conforme et trop jumeau. Trouble d'une telle apparition, miracle presque effrayant d'une ressemblance qui allait jusqu'à l'identité. Et tout, sa marche, sa taille, le rythme de son corps, l'expression de ses traits, le songe intérieur du regard, ce qui n'est plus seulement les lignes et la couleur, mais la spiritualité de l'être et le mouvement de l'âme, tout cela lui était rendu, réapparaissait, vivait. L'air d'un somnambule, Hugues la suivait toujours, machinalement maintenant, sans savoir pourquoi et sans plus réfléchir, à travers le dédale embrumé des rues de Bruges. Arrivé à un carrefour où plusieurs directions s'enchevêtrent, tout à coup, comme il marchait un peu derrière elle, il ne la vit plus. En allée, disparue dans on ne sait laquelle de ces ruelles tournantes. Il s'arrêta, regardant au loin, inventoriant le vide, des larmes nées au bord des yeux. Ah, comme elle ressemblait à la morte! La ressemblance entre ce texte, donc Bruges la morte, de George Rodenbach, et le film Vertigo d'Hitchcock est plus que troublante. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce texte est mot pour mot le scénario de Vertigo, Laurent Van Eynde. Oui, c'est assez fascinant. Et donc, ça correspond à cette séquence où Scotty voit pour la première fois Julie, dont il ne sait pas encore que c'est celle qui a joué le rôle de Madeleine, donc dans la troisième partie. Et donc, il va reconnaître effectivement quelque chose, la spiritualité de l'être, sans doute, comme le dit Rodenbach, sans identifier la personne. Et il va la suivre comme Hugues suit ce personnage féminin dans Bruges la morte. Il va la suivre et petit à petit désirer la façonner. Le terme clé, c'est celui d'identité qu'il y a dans le texte et qui sera celui de la troisième partie. La différence énorme, et c'est en cela qu'on a une œuvre, bien sûr, fortement différente chez Hitchcock et qu'on est en plein dans les enjeux d'Hitchcock. La différence, c'est qu'il ne va pas se contenter de suivre ou d'être fasciné. Il va essayer de faire. Il va essayer de recréer un personnage. Scotty, c'est ça. Donc Madeleine meurt devant ses yeux. Ouais. Il reprend le cours de sa vie. Enfin, il y a une ellipse et tout d'un coup il rencontre une femme qui lui ressemble trait pour trait, qui dit s'appeler Judy, qui n'a pas la même couleur de cheveux, ses cheveux sont plutôt qui tirent vers le roux et non plus vers le blond. Elle s'habille différemment, elle parle différemment, mais elle ressemble en tout point à cette Madeleine. Et donc Scotty décide de s'emparer de cette nouvelle femme et de créer Madeleine à partir de cette femme. Oui, tout à fait. Elle est un petit peu comme une matière première. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très matériel, d'animal, si vous voulez, dans la manière dont Kim Novak, puisque Kim Novak joue évidemment les deux rôles, dans la manière dont elle interprète ce second rôle. Et donc, Scotty, effectivement, devient la créateur. La chose intéressante, me semble-t-il, c'est que, on n'a pas dit, mais à la fin de la seconde partie, donc après cette première partie où il y a la fascination pour l'image, elle-même pour le spectacle de l'image, et puis la deuxième partie où il y a une fascination pour l'histoire de l'image, on a affaire à un cinéma narratif, ces deux moments sont distincts et enchâssés en même temps. Après ces deux moments, Scotty, désespéré, tombe dans une phase de mélancolie. Le terme est utilisé d'ailleurs, et il sera hospitalisé. Et ce n'est que en sortant péniblement, très difficilement de cette phase, qu'il va pouvoir devenir autre chose, qu'il va pouvoir devenir un créateur. Mais ce qui lui permet de devenir ce créateur, mais c'est toujours cette mélancolie, en fait. La mélancolie comme rapport à la perte, à ce qui est perdu. Et simplement, ce qui est perdu, il croit en reconnaître l'occasion de sa répétition. C'est de ça qu'il s'agit lorsqu'il voit le corps de Judy. Et donc, sa mélancolie va nourrir ce désir de création, ce désir de création d'un nouvel être, mais avec cette particularité que nous ne voyons pas la même chose que Scotty. La chose est importante, savoir que Scotty n'envisage pas un instant, manifestement, que Judy puisse être la véritable Madeleine. Et nous, spectateurs, nous allons le savoir très vite. Et donc là aussi, c'est une différence par rapport à D'entre les morts de Boileau et Narcejac, qui servait de base au scénario. C'est que dans le livre de Boileau et Narcejac, on ne s'aperçoit qu'à la fin que Judy a joué le rôle de Madeleine. Or, dans le film d'Hitchcock, on le sait très tôt. En gros, si on tient compte de la durée du film, c'est à peu près aux deux tiers, si vous voulez. C'est d'ailleurs la seule fois dans le film où, de manière aussi claire, nous voyons, j'irai même matériellement, au plan, ce que Scotty ne peut pas voir. Parce que nous allons voir ce qui se produit dans la chambre de Judy, alors que Scotty est parti. Scotty n'est pas là. Judy, se rendant compte, évidemment, que, elle est tout à fait consciente qu'elle a retrouvé Scotty, dont elle est tombée, bien sûr, elle aussi amoureuse, même si elle a joué son rôle jusqu'au bout. Judy s'apprête à lui laisser une lettre et à fuir pour ne pas être piégée dans cette histoire qui recommence. Et puis elle renonce. Mais écrivant cette lettre, nous voyons les images de ce qui s'est réellement passé. Et donc le spectateur sait très bien que Judy n'est pas que la matière première pour reconstituer une Madeleine. Judy a été elle-même manipulée, a participé à une manipulation, et donc la Madeleine que Scotty essaye de reconstruire n'était elle-même qu'une copie. C'est-à-dire que on est pris, le processus de création dans lequel s'engage Scotty, il croit, lui, que c'est la reconstitution d'un original, mais nous savons, nous, qu'il n'y a pas d'original, qu'il n'y a qu'une copie de copie. Madeleine était la copie de celle qui était déjà morte. Et donc, en fin de compte, ce qui manque toujours, c'est l'origine de l'image, tout simplement. Here, Judy, drink this straight down. Five minutes. Why are you doing this? What good will it do? I don't know. I don't know. No good, I guess. I don't know. Lucie, je suis sincère. Les premiers jours heureux que j'ai eus depuis un an, c'est à vous que je les dois. Je sais, Scotty. Je sais pourquoi. C'est parce que je vous la rappelle. Moi, je vous suis indifférente. Non. N'en croyez rien. Il y a en vous, je ne sais quoi, qui... Vous n'avez pas envie de moi. Si, si. Vous ne m'aimez qu'à travers l'autre, n'est-ce pas? Nos premières sorties, avez-vous oublié comme elles étaient amusantes? C'est cette histoire de robe qui a tout gâché. Eh bien, je les mettrai, ces robes qui vous plaisent tant, si vous consentez à m'aimer un peu. Vos cheveux. Oh non! Je vous en prie. Pour vous, ça n'a pas d'importance. Si je consens à faire ce que vous voulez, est-ce que vous m'aimerez? Oui. Oui. Alors je le ferai pour que vous m'aimiez. Venez vous asseoir près du feu. The sex psychological side is that you have a man creating a sex image, créant une image de sexe, that he can't go to bed with her avec laquelle il ne peut pas coucher until he's got her back, jusqu'à ce qu'il l'a de retour, or metaphorically, ou métaphoriquement, indulged in a form of necrophilia. Une forme de nécrophilisme. That's what it really was. Voilà ce que c'était réellement. Oui, oui. Ah oui, ça c'est très bien, je trouve très bien. Justement, les scènes que je préfère, c'est les scènes où il l'emmène pour acheter les chaussures, les robes. Et où il est un peu comme un maniaque, là. Non, pas ces chaussures-là. Non, not those shoes. Ça, c'est beau. That's really beautiful. Et la chose, vous voyez, that I liked and felt most, que je ressentais moi le plus, was when she came back, c'est que lorsque elle est revenue, from having her hair made blonde, après s'être fait teindre les cheveux and blonds, it wasn't up, et ce n'était pas relevé en chignon. Hey. Ah oui, oui, oui. This means, ceci voulait dire, she has stripped, but won't take her knickers off, qu'elle s'est mise à poil, mais elle ne veut pas enlever ses culottes. Oui. You see. Oui. And when she says, all right, and et she goes dit, into the bath, bon, ça va, et elle retourne à la salle de bain. And he is waiting. Il l'attend. He's waiting for the woman to undress. Il attend que la femme se déshabille. And come out. Et ressorte nue. Ready for him. Prête pour lui. And while he was standing there, et pendant qu'il se tenait là, looking at that door, regardant cette porte, he was getting an erection. Il a vu like une érection, that, comme ça. We will now tell a story. Shut the machine off. On va raconter l'histoire. Enfin, c'est le film qui la raconte. C'est un extrait de l'entretien d'Hitchcock avec Truffaut de 1963. Quand vous parlez de mélancolie, Laurent Van Eynde, Hitchcock parle de nécrophilie. Oui, oui, tout à fait. C'est les deux en même temps. C'est-à-dire que la mélancolie est créatrice. La nécrophilie qu'il évoque, mais c'est l'aspiration à reconstituer totalement le personnage. Et donc, effectivement, on est dans cette entre-appartenance qui obsède, je pense vraiment, Hitchcock dans ce film, entre la mélancolie et la création. Il n'y a de création chez Scotty que parce qu'il y a, c'est que parce qu'il y a ce manque, que parce que la femme est perdue. Et il reste dans cette dimension mélancolique. Visuellement, ça passe par l'utilisation d'une tonalité verte, alors qui est un voile à travers lequel ils ont filmé certaines séquences, donc notamment au cimetière, comme par hasard dans les premières parties. Puis une tonalité verte qui apparaît aussi lorsque il regarde cette matière première, c'est une séquence tout à fait fascinante où il observe Judy de profil, comme Madeleine était de profil, et toute la scène est nimbée d'une espèce de couleur verte que l'on doit à des néons de l'hôtel dans lequel elle loge. Et lorsque Madeleine, finalement, Judy, excusez-moi, je les confonds, lorsque Judy cède, enfin, vous avez entendu Hitchcock le commenter, lorsque Judy cède enfin et sort, apparaît, sort d'une salle de bain et apparaît à Scotty en étant totalement redevenue Madeleine, on retrouve ces mêmes tonalité verte, un petit peu morbide, alors même qu'il y a accomplissement. Et d'ailleurs, je peux souligner que Damien Chazelle, dans La La Land, a rendu un hommage très direct et intelligent, au fond, à cette utilisation de la couleur verte et de cette lumière très particulière, puisqu'au moment, dans La La Land, donc, au moment où la création à laquelle aspirent les deux personnages principaux se mêlent pour la première fois de manière très explicite d'une mélancolie, eh bien, Chazelle a demandé à Linus Sandgren, donc son directeur de la photo, d'utiliser la lumière de Hitchcock dans Vertigo. Et d'ailleurs, le personnage féminin porte une couleur de même robe que celle de Madeleine. De Vertigo à La La Land. Excusez-moi, de Judy. Oui, on s'y perd. Ouais. C'est vertigineux. Un dernier extrait en votre compagnie, Laurent Van Eynde, l'extrait qui précède la dernière scène où Scotty va reconduire Judy au même endroit où il avait perdu Madeleine précédemment, parce qu'il sait que il faut qu'il rejoue cette scène, c'est la seule manière qu'il a de se libérer de l'emprise sous laquelle il est. Il en est conscient. Pour le coup, il pense vraiment à lui et pas du tout à cette créature qu'il vient de créer. Ça, on l'avait compris, mais là, c'est flagrant. Il va même jusqu'à parler de cette deuxième chance qu'il doit s'accorder. Écoutez. Ouais. you going? One final thing I have to do. And then I'll be free of the past. Il faut qu'une fois encore, je fasse un retour dans le passé. Une dernière fois. Scotty! Je ne la voyais plus. J'ai entendu des pas dans l'escalier. Elle montait dans le clocher. Scotty! Elle a gravi les marches jusqu'à la trappe dans notre accès au clocher. Heureusement, je n'ai pas pu aller jusqu'à la trappe. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu y arriver. Ce n'est pas souvent qu'on a une seconde chance. Je veux dissiper ma hantise. Tu es ma seconde chance, Lucie. Tu es ma seconde chance. Laisse-moi partir. Tu ressembles à Madeleine maintenant. Monte dans le clocher. Non. Tu vas monter. Jusqu'en haut, Lucie. Et je te suivrai. Pour pas que les choses soient trop simples, en plus, en français, Judy s'appelle Lucie. Donc c'est bien la même personne qu'il s'agit, Laura Van Eyne. Alors cette seconde chance, c'est troublant d'entendre parler d'une seconde chance au moment où elle s'apprête à mourir, quoi. Oui, bon, si ce n'est que bien sûr, ni lui ni elle ne le savent. Et Scotty va suivre cette fois Madeleine jusqu'en haut, Judy, Madeleine, jusqu'en haut du clocher, en lui disant « Je sais que tu as été constituée comme une image, au fond. » Et d'ailleurs, là, la description qu'il donne de la manière dont Judy a été préparée pour jouer le personnage de Madeleine, Hitchcock commente sa manière de préparer ses acteurs. C'est d'ailleurs très, très frappant. Mais ce qui me semble vraiment important, c'est la fin tout à fait étrange, puisque Judy va tomber. Elle tombe du clocher, cette fois pour de bon. Et cette fin est sans doute très gênante. D'ailleurs, dans le livre d'entretien, puisque il y a les enregistrements, mais aussi le livre d'entretien Truffaut-Hitchcock, de Truffaut avec Hitchcock, Truffaut donne un résumé de Vertigo, alors qui est très étonnant, parce que Truffaut termine son résumé en disant « Il repart, sinon heureux, du moins libéré. » Ce qui n'est absolument pas le cas. Donc on ne voit absolument pas c'est ça. C'est l'interprétation de Truffaut. Oui, on voit juste le corps de James Stewart qui écarte un peu les bras, qui a l'air peut-être désemparé, mais tout à fait. Et donc il a besoin de compléter. Mais que se joue-t-il là, à mon sens? Mais se joue ce qu'on annonçait tantôt. C'est-à-dire que le créateur est parvenu à constituer une image, mais qui en même temps lui échappe, puisqu'elle n'était jamais que copie de copie. Le personnage s'efface et alors, effectivement, il y a un accomplissement du créateur, mais d'un créateur qui est sur la forme du pont dont je vous parlais. C'est-à-dire que si l'on regarde bien ce dernier plan, il est en avancée sur le parapet, un court parapet du clocher, en équilibre, comme sur un pont suspendu. Et vous le disiez très bien, il écarte les bras. On sait le bagage catholique de Hitchcock, c'est une figure christique, tout simplement, qui apparaît. Une figure christique, c'est-à-dire que le créateur n'est certainement pas Dieu, il n'a pas tous les pouvoirs, mais il est un dieu qui est dans le fini et qui souffre. C'est pour ça que Scotty, à mon sens, apparaît dans une esquisse de figure christique. Bien, nous sommes prêts maintenant pour revoir ce film grâce à vous, Laurent Van Eyne. Alors, je renvoie les auditeurs à vos ouvrages Vertige de l'image, l'esthétique réflexive d'Alfred Hitchcock, paru au PUF en 2011, et Arpenter l'image, essai sur le cinéma d'Anthony Mann, une autre de vos casquettes aux presses universitaires du Septentrion, coécrit avec Natasha Pfeiffer. Un grand merci d'être venu nous parler de Vertigo aujourd'hui. Merci à vous. Et vous êtes également l'auteur d'un ouvrage sur La La Land, le film que vous avez évoqué aujourd'hui au cours de cette émission. Je souhaite une longue vie à cet ouvrage et surtout une publication imminente. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Quel est le sujet de votre journal aujourd'hui ? Bien, j'ai envie de vous parler de deux livres. Le premier, c'est une esquisse d'une philosophie du phénomène urbain. C'est un livre de Stéphane Gruet qui se penche sur la nature de la ville. Et le second peut apparaître comme le prolongement par l'exemple de cette philosophie urbaine. C'est un ouvrage collectif dirigé par l'écrivain Pierre Ducrozet qui nous livre l'histoire, les promenades, une anthologie et un dictionnaire d'une ville en particulier. Et cette ville, c'est Barcelone. « Qu'est-ce qui fait qu'une ville suscite, éveille, inspire des écrivains, des penseurs, des peintres, des chanteurs et des musiciens dans un si grand nombre et de manière si différente? Car là, on entend Freddie Mercury en duo avec la cantatrice Montserrat Caballé chanter Barcelone. Mais dans cette ville ou de cette ville, on peut aussi écouter ceci. Alors là, on écoute Enrico Granados et ses Goyescas, ou comment une ville, un centre, un lieu balisé, limité, localisé sur une carte et dans le monde, un ensemble de rues, d'immeubles et de places, n'est pas qu'une zone de repli, mais aussi une respiration, une inspiration et l'aspiration à un ailleurs. C'est le premier paradoxe de la ville. C'est un espace étroit qui nous ouvre pourtant à élargir notre horizon. Un balancier entre le large et l'étroit, comme le dit Pierre Ducrozet en ouverture de son livre collectif dédié à Barcelone, dans une belle lettre qu'il adresse à la ville. Et de là, il y a aussi un deuxième paradoxe de la ville, que nous inspire aussi Barcelone. La ville, c'est à la fois un lieu de repli, un lieu familier, mais qui garde pourtant une étrangeté, qui suscite des élans multiples et parfois contradictoires. Oui, quel point commun en effet entre la Barcelone de Freddie Mercury et celle de Granados, entre la Catalogne de Stendhal et celle d'Orwell. Impossible apparemment de saisir la ville avec cohérence et de la connaître parfaitement. Et tous les textes, chansons, réflexions, films du monde en donneront l'air, l'esprit, mais peut-être pas l'essence. Mais une ville a-t-elle vraiment une essence? Y a-t-il, comme le dit Stéphane Gruet dès le titre de son livre, une nature de la ville, ou faut-il préférer à l'essence? Les sens, les impressions, les sensations que suscite une ville telle Barcelone dont le charme se capte surtout de cette façon. L'ordre, la mesure et la concorde régnaient partout. La discrétion et l'élégance s'affirmaient en toutes choses et les bonnes manières étaient respectées à tout moment et en toute occasion. Les messieurs cédaient leur place aux dames dans le tramway et dans le trolleybus et ils se découvraient devant une église. La circulation s'arrêtait au passage d'un enterrement et les gens se signaient en sortant de chez eux et en partant en voyage, car en ces années-là, la religion jouait dans leur vie un rôle important, à la fois contrôle de soi et consolation. Fréquente aussi était la récitation du rosaire en famille. Personne n'aurait voulu s'écarter un tant soit peu du droit chemin, car flottait encore dans l'air le souvenir lancinant d'un temps récent où l'irreligion et l'anticléricalisme avait d'abord conduit à toutes sortes d'excès, puis, conséquence inévitable, à des années terribles, au cours desquelles la ville avait vécu sous le règne de la violence, du pillage, de la pénurie et de la peur. L'écrivain barcelonais Eduardo Mendoza, dont on trouve des textes dans l'ouvrage collectif dédié à Barcelone, n'a cessé d'écrire sur sa ville, dans sa ville, à travers sa ville. Dans son roman, une comédie légère, dont on vient d'entendre un extrait, il met en scène ce qui est déjà une scène, Barcelone donc. Mais mieux que d'en faire un décor, il en fait un personnage. Et de la même manière, dans son livre, La nature de la ville, esquisse d'une philosophie du phénomène urbain, Stéphane Gruet prend le parti, vraiment intéressant, d'approcher une ville comme un être humain, fait d'un corps qui naît et qui vieillit. Comment une ville vient-elle au monde? Peut-elle mourir? Comment ce lieu culturel, fabriqué, travaillé, politique, économique est-il vivant? A-t-il une vie et même plusieurs? Alors on pourrait dire, à lire l'anthologie consacrée à Barcelone, qu'une ville est d'abord un lieu dans lequel se croisent des vies, des touristes, des locaux, des malfrats, des amoureux, des marginaux, des employés, etc. Mais comment est-elle aussi ce qui nous rassemble et unit entre elles ces vies? Comment devient-elle ce qui donne vie? Ce qui justement respire et inspire? Merci Géraldine pour ce voyage à Barcelone qu'on a envie de continuer donc en compagnie de Stéphane Gruet, c'est bien ça? Alors, de Stéphane Gruet, tout à fait, qui a donc écrit La nature de la ville, esquisse d'une philosophie du phénomène urbain. C'est paru aux éditions Poésis. Et puis, il faut absolument lire, se jeter sur Barcelone, histoire, promenade, anthologie et dictionnaire. C'est paru aux éditions Robert Laffont sous la direction de Pierre Ducrozet. Eh bien, on s'y jette sur vos beaux conseils, Géraldine. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à Claire Perryman-Holt qui a préparé cette émission avec David Pargamin, Maud Markevitch, Marianne Chassor et Géraldine Mosna-Savoie. À la réalisation, Nicolas Berger. À la prise de son, Alain Joubert. On se retrouve demain pour la suite de cette redécouverte d'émissions autour du cinéma. Demain, nous parlerons du Guépard de Luchino Visconti. D'ici là, pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter les émissions en ligne, toutes les émissions, toutes celles de votre choix, en ligne pour une durée illimitée, et les télécharger, les podcaster également aussi longtemps que vous le voulez, afin de les écouter à volonté. Rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook et Instagram. À demain, 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.